voulais t'aider, mais te contraint, te renvoie à l'état de déchet, te renvoie aussi bas, aussi bas, aussi bas. J'avais su tout ça bien avant, bien avant. Si j'avais su tout ça, j'aurais parti tout seul, loin, loin, loin dans les bois, tout seul, tout seul, tout seul. Des prêts, mais surtout, surtout, tout seul, sans me soucier de n'importe qui, de n'importe quoi. Oh, tout seul, tout seul, loin, loin, loin, loin, loin de là. Ne plus avoir d'attache, plus rien, plus rien, se soucier de plus personne, aucun regard. Aucun avis de personne, seul, seul. J'aurais été bien mieux, sans avoir personne à me soucier. De conseils à te donner, barre-toi, barre-toi tant qu'il est encore temps. Barre-toi de ces murs, barre-toi de ce qui n'est pas à toi, barre-toi. Fais quelque chose pour toi, mais pas pour les autres. Dépêche-toi à te barrer de là, avant d'être contraint à rester. Contraint à rester et de gâcher ta vie. Impuissant, ne plus pouvoir plus rien faire pour toi, être impuissant. Tu peux bien te barrer, mais les remords te guettent. Et où te barrer maintenant? Où te barrer maintenant? Et plus tu vieillis, plus tu sais pas. Quand t'es jeune, que tu n'as pas d'attache, dégage-toi, dégage-toi, fais comme tout le monde, barre-toi, dégage, ne te soucie pas, aucune famille, rien, il ne faut rien, ne se soucie pas de liens comme ça, affectifs, en fait aucun sentiment, il ne faut aucun sentiment, dégage-toi, dégage-toi, barre-toi, barre-toi, barre-toi. Aucun sentiment, aucun lien, aucune famille. Dégage-toi, barre-toi, et tu seras tranquille. Thank you. Tch, tch, tch.